Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Sébastien de Paris nous écoute en podcast. Il rentre de Saint-Pétersbourg et aurait aimé que Franck Ferrand nous fasse revivre l'assassinat de Rasputin. Vos désirs sont des ordres, chers auditeurs. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je vais revenir d'autant plus volontiers sur ce qui s'est passé au palais Youssoupov, aux rives du canal de la Moïka, en cette nuit fatidique du 16 au 17 décembre 1916, que le beau prince Youssoupov, l'auteur présumé et d'ailleurs contesté de l'assassinat, fait l'objet d'un chapitre du beau recueil paru sous la direction de Bruno Fuligny et qui donc s'intitule « Les aristos du crime ». L'auteur est avec nous pour en parler. Et n'oublions pas notre retour aux origines aujourd'hui. C'est Laetitia qui vous demande, Franck, de revenir sur les origines de la Toussaint et de la fête des morts. Ah ben voilà une question tout à fait de saison. Pour le moment, cap sur la Russie des tsars, une Russie des tsars à son crépuscule. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Décembre 1916 en Russie. En ces temps de guerre contre l'Allemagne, il a semblé au tsar que le nom de Saint-Pétersbourg, Sankt-Pétersbourg, avait une consonance un petit peu trop germanique. Donc on a rebaptisé la ville à la russe, Petrograd. Bientôt elle deviendra Leningrad, mais n'allons pas trop vite en besogne. Nous sommes donc à Petrograd en ce mois de décembre 1916. Dans la matinée du 19 précisément, un cadavre remonte à la surface de la petite Neva. On est à hauteur du pont Petrovski. C'est un corps ligoté. Le visage a été défoncé par des coups. On le sort bien entendu, on le tire sur la rive. Et chose étrange et intrigante et déplaisante à voir, les bras sont levés comme pétrifiés au-dessus de la tête. Malgré le mauvais état de ce corps, on ne tarde pas à l'identifier. Il s'agit d'un personnage célèbre, très célèbre, trop célèbre peut-être. Les policiers sont en effet en présence du corps gelé de Rasputin, le conseiller occulte du tsar Nicolas II et surtout de la tsarine Alexandra Fyodorovna, autant dire l'homme le plus détesté de Russie. Évidemment, la nouvelle fait bientôt le tour de Petrograd. Katerina Semikina nous dit « Cet événement a fait l'effet d'une bombe. Quand on a appris la mort de Rasputin dans les théâtres, on réclamait l'hymne national. Dans les petits bistrots, les artistes, avant de commencer leur numéro, invitaient le public à fêter cet heureux événement. Les gens sont allés faire la fête sur le pont où Rasputin a été jeté. Tout cela montre à quel point on détestait Rasputin, mais aussi derrière lui, le tsar, probablement. Parce que pour le peuple, Rasputin révélait à quel point le tsar négligeait l'opinion publique. Rasputin avait disparu depuis 3 jours, puisqu'on le retrouve le 19, mais sa mort remonte à 3 jours, ou plus exactement à 2 nuits plus tôt. Une autopsie est pratiquée l'après-midi même à l'académie militaire. Il s'avère que Rasputin a été tué de 4 balles de revolver, dont une dans la poitrine, une dans le ventre à côté du foie. Ces 2 projectiles ont sans doute été tirés par des armes différentes d'ailleurs, et la dernière balle a visé le front. Sur le corps, les médecins légistes relèvent plusieurs plaies, notamment une assez sévère à l'oreille. Et de toute évidence, on constate, quand on voit ce corps, on constate qu'on s'est acharné sur lui. Il était détesté, ça je vous l'ai dit, mais enfin tout de même, qui donc pouvait en vouloir à ce point à celui qu'on appelle l'homme de Dieu ? Alors pour ceux qui ne verraient pas exactement de qui je parle, il faut peut-être que je vous en dise un petit peu plus sur ce Grigori Efimovitch qu'on appelle Rasputin, ce qui en russe veut dire le coquin, le vaurien, le débauché si vous voulez. Il avait 47 ans puisqu'il est né, en tout cas probablement né le 21 janvier 1869, certains disent 64, d'autres 65, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est né dans un village de Sibérie, dans une famille de paysans, une famille de moujiks. Son père est un tout petit propriétaire, quand je dis tout petit en tout cas à l'échelle du territoire russe évidemment, mais il a quand même sa ferme, ses terrains, ses chevaux, etc. Tout ça dans un environnement très religieux, on parle de Dieu tout le temps, dans la famille de celui qui deviendra Rasputin, il y a des icônes partout, on lit la Bible, Bible et dès l'enfance, Grégory manifeste des dons de guérisseur et de voyant. À 22 ans, alors qu'il passe son temps à boire et à courir les filles, il a soudain une vision qui va complètement faire basculer sa vie. Et j'ai presque envie de dire, ne nous payons pas de mots, mais tout de même, qui va faire basculer l'histoire. Il voit apparaître la Vierge qui lui désigne sa voie de pèlerin. Cette apparition est prise au sérieux non seulement par Grégory lui-même et par sa famille, mais par les autorités religieuses. On va voir le jeune homme s'adonner désormais à la prière. Ça n'empêche pas de se marier, de devenir père de famille, plus tard de tromper très très allègrement sa femme. Mais en tout cas, il passe beaucoup de temps dans les retraites, dans différents monastères. On ne sait pas bien, parce qu'il est doué de dons, hein. il a un don de prophétie, un don de guérisseur. On ne sait pas très bien si c'est un escroc ou si c'est un grand mystique. Il n'empêche, il va gravir les échelons et on le retrouve un jour à Saint-Pétersbourg. En 1904, il a 35 ans, il arrive précédé d'une certaine notoriété dans la capitale des Tsars. Il entre à l'académie de théologie, dont le directeur va le prendre sous sa protection et va se faire son ambassadeur, en quelque sorte. Il va se charger de le présenter à un certain nombre de personnalités importantes. Il va impressionner les grands religieux de l'époque qui s'étonnent que cet illettré sache tant de choses et répondre justement à tant de questions, nous dit Jean Descartes. Rasputin est reconnu Starets. Starets, c'est l'homme de Dieu, vous savez, une sorte de messager du ciel, en quelque sorte, auquel les Russes accordent beaucoup d'importance. Sa foi, ses dons, tout ça fait sensation à Saint-Pétersbourg, bien entendu. Nicolas Tirobrazov nous dit « Il voyait les maladies, il vous perçait, il avait un regard qui vous traversait, vous hypnotisait. C'était un homme effrayant par moments qui avait des yeux qui pouvaient être d'une bonté comme d'une dureté incroyable. Il pouvait vous foudroyer. » Un événement, bientôt, va permettre à Rasputin d'entrer carrément dans le Saint des Saints. Il va entrer dans le cercle impérial, dans l'intimité même du tsar et de la tsarine. Le tsar Nicolas II et son épouse Alexandra Fyodorovna règnent sur la Russie depuis 1894. Ils ont 5 enfants, vous savez, les 4 filles, et puis un fils. Ce fils, le tsarevitch Alexis, qui est l'héritier de la dynastie évidemment, est malade, il est hémophile. On a eu l'occasion d'en parler très souvent dans cette émission, sous divers aspects bien entendu. À la moindre coupure, à la moindre blessure, cet enfant peut mourir. Or, en 1905, quelques mois après sa naissance, il fait un faux mouvement, ce petit enfant. Il était en train de jouer, hein, tout simplement, il tombe. On doit l'aliter, son état empire, un hématome se forme au genou qui grossit et grossit encore. Et c'est la grande duchesse Anastasia qui connaît Rasputin et qui va en quelque sorte prévenir la tsarine et lui dire que si elle veut, elle connaît, elle, un guérisseur, quelqu'un qui serait capable donc d'aider l'enfant. Le 1er novembre 1905, alors que la révolution a obligé Nicolas II à doter la Russie d'une constitution, d'un parlement, vous savez, c'est la première Douma, 1905, c'est la première révolution, l'époque du dimanche sanglant, Rasputin est présenté au tsar et à la famille au palais Alexandre. On est dans le somptueux domaine de Tsarskoye Selo, tout près de Saint-Pétersbourg. Évidemment, quand Rasputin arrive chez le tsar, il détonne légèrement. Vous imaginez, il a l'air sale, il a les cheveux complètement hirsutes, une immense barbe. Il porte de grandes tuniques dont la propreté est pour le moins douteuse, mais il a ce regard envoûtant, hypnotique. Le prince Mourouzi nous dit, il s'est adressé à eux de façon très directe et ça a beaucoup plu au tsar qui a apprécié cette spontanéité de l'homme de la terre. Vous savez, les grands de ce monde et notamment dans les monarchies absolues sont très très très peu habitués à ce qu'on leur parle simplement. Et donc les rares personnes qui osent le faire, généralement, gravissent rapidement les échelons. Rasputin appose ses mains sur le front du petit Alexis, il prie, il raconte aux Tsarevitch des contes de Sibérie, et l'enfant, contre toute attente, l'enfant va guérir. Vous imaginez d'un seul coup le pouvoir que ça donne à ce guérisseur. L'impératrice Alexandra, écrit Jean Descartes, qui était une femme mystique d'une façon excessive, va voir en Rasputin un guérisseur, un sauveur, et elle chasse tous les médecins. On ne fait plus rien sans en parler à Rasputin. Et dans les années qui suivent, toutes les fois où Alexis va se cogner, se blesser, etc., on rappelle Rasputin. D'ailleurs, en 1912, il est en séjour en Sibérie quand le petit Tsarevitch a une nouvelle crise très sévère cette fois. Et il va guérir, si j'ose dire, le Tsarevitch par voie de télégramme. Il envoie à la tsarine ce télégramme. « Dieu a bien voulu voir tes larmes et entendre tes prières, Mamka, ce qui veut dire petite mère. Ne sois plus triste, ton fils vivra. » Bientôt, Rasputin n'est plus seulement un guérisseur, mais un homme influent en qui le couple impérial a toute confiance. La tsarine l'écoute de plus en plus et il se met à donner des conseils politiques, nous dit Michel de Grèce. Il ne faut pas ce ministre, celui-là est vilain, celui-là est contre vous. Le tsar Nicolas II n'avait pas une sympathie extraordinaire pour Rasputin, mais il était sous la coupe de sa femme et il faisait ce qu'elle voulait, ajoute le prince. Rasputin dictait à l'impératrice le dictait à l'empereur et l'empereur le dictait à l'empire. Rasputin va écarter de Nicolas II tous ceux qui voudraient évidemment partager le pouvoir au détriment de la monarchie. Ça éloigne le tsar et le reste de la famille impériale, non seulement de la cour, mais de tous les corps constitués, mais du parlement, bien entendu, mais de cette nouvelle société qui était en train de naître depuis 1905. Évidemment, Rasputin se fait beaucoup d'ennemis. En 1909, le gouvernement décide, sans avertir le tsar, de le faire surveiller. On a une police bien faite dans la Russie des tsars, ça s'appelle l'Okhrana. Et l'Okhrana va suivre Rasputin. Le 2 mars 1910, dans un journal, Novolossov, un monarchiste proche de la cour et du tsar, écrit que Rasputin est un débauché, un alcoolique. Mais ça, c'est ce que disent aussi les rapports de police, évidemment. On pense en tout cas qu'il fait partie d'une secte, la secte des Christi, une secte qui prône l'union charnelle comme acte de mortification et qui est officiellement interdite en Russie. Alors, arrive là-dessus l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Ce sera évidemment la montée vers la guerre. On peut dire que Rasputin, à ce moment-là, n'a pas l'influence qu'il aurait pu avoir, puisqu'il a été attaqué par une déséquilibrée qui a tenté à ses jours, et il se trouve loin, cloué en Sibérie. Et pendant ce temps, à Saint-Pétersbourg, les ministres se relaient auprès du tsar pour essayer d'aller à la guerre, alors que Rasputin, lui, était farouchement contre la guerre. Il avait dit d'ailleurs que si jamais il y avait la guerre, ce serait terrible, ce serait la fin de la dynastie, etc. Le 1er août 1914, vous savez ce qu'il en est, la guerre est bien déclarée et comme Rasputin le craignait, c'est, si j'ose dire, la Bérézina. Il conseille à Nicolas II, Rasputin conseille de se débarrasser du chef des armées et son oncle, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch. Nicolas II devient à ce moment-là lui-même chef des armées, ce qui va avoir deux effets désastreux. Le premier, c'est qu'il est au premier rang de ceux sur qui porteront la responsabilité des défaites successives que la Russie ne cessera de connaître dans les 18 mois qui suivent. Et puis la deuxième conséquence, c'est qu'il est loin de Saint-Pétersbourg et que c'est donc la tsarine qui tient le gouvernement et derrière la tsarine, Rasputin qui est de retour. Rasputin a été à ce moment-là incontestablement enivré par la capacité d'action qu'il avait et il a commencé à tout régenter, écrit Hélène Carrère d'Encausse. Il a commencé par faire éliminer tous ceux qui lui paraissaient indépendants d'esprit à son égard et évidemment, ça a donné le sentiment au pays et à toute la classe politique que la Russie était gouvernée par une hystérique, elle-même commandé par un pseudo-homme de Dieu qui était en fait un moine débauché et qui n'était même pas un moine d'ailleurs. Et oui, on se pose tellement de questions sur le personnage. On peut dire qu'à ce moment-là, autour de Rasputin, l'étau se resserre. D'ailleurs, le Starets le sent et il écrit au tsar « Je sens ma mort approcher. Mais si un membre de votre famille est impliqué dans mon assassinat, toi, et toute ta famille serait massacrée par le peuple russe. Après un déluge terrible, passera sur la Russie et elle tombera entre les mains du diable. » Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous reviendrons à votre récit, Franck Ferrand, sur la vie de Raspoutine juste avant son assassinat. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Raspoutine et à son assassinat. Alors, on est donc à l'automne 1916 et le président de la Douma du nouveau Parlement, Rodzianko, dit « Mais que peut-on faire quand tout le gouvernement et toutes les personnes de l'entourage de Sa Majesté, il parle de l'impératrice à ce moment-là puisque l'empereur lui est au front, sont des créatures de ce Raspoutine. La seule chance de salut serait de tuer ce misérable, mais il ne se trouve pas en Russie un homme qui ait le courage de le faire. » Entre parenthèses, vous imaginez de prononcer de tels propos. Et il se trouve qu'à la Douma, ce jour-là, se trouve le jeune prince Félix Youssoupov. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd d'une certaine manière. Certainement, ça a été le déclencheur. Tout d'un coup, il s'est senti investi d'une responsabilité, dit Hélène Carrère-Dancos. Il fallait que quelqu'un se lance. On ne pouvait pas laisser seuls les hommes politiques. Marié à la nièce de l'empereur, il a eu le sentiment qu'il avait une responsabilité d'autant plus grande que précisément la famille impériale ou le couple impérial avait failli, ne serait-ce que pour sauver la monarchie. Il fallait que ce soit rattrapé par la famille elle-même. Ce Félix Youssoupov est un personnage très intéressant sur le compte duquel nous allons revenir avec Bruno Fuligny, une des personnalités les plus en vue de Saint-Pétersbourg. Il n'a pas 30 ans à l'époque, il est très fortuné, hérité d'une très grande famille de l'Empire. Son palais est un des plus beaux, un des plus riches de Saint-Pétersbourg. Effectivement, il a épousé la nièce du tsar. Et l'ambassadeur Maurice Paléologue, vous savez qu'il nous apprend tant de choses sur cette époque, écrit à son propos « Son dilettantisme se plaît un peu trop aux fantaisies perverses, aux images littéraires du vice et de la mort. Ses instincts, son visage, ses allures le font ressembler beaucoup plus au héros de Dorian Gray qu'à Brutus ou à Lorenzaccio. » Et c'est très juste et c'est vrai. Il y a quelque chose de Dorian Gray, hein, le dandy. Il est très beau, ce Félix Youssoupov. Il est même d'une beauté sidérante. Il entretient une amitié pour le moins tendre avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch, qui est le jeune cousin du tsar. Et c'est avec lui qu'il va se mettre en tête, qu'ils vont se monter la tête, si je puis dire, et décider de tuer Raspoutine, en tout cas de lui tendre un piège. Le député Pourichkevitch rejoint le complot, ainsi qu'un officier ami et un médecin militaire, le docteur Lazover, qui est chargé de fournir le cyanure, parce qu'on va vouloir empoisonner Raspoutine. Alors, s'attaquer à Raspoutine, c'est quand même pas évident. Évidemment, il est surveillé par la police en même temps qu'elle le protège, écrit Jean Descartes. Il sait très bien qu'on lui en veut. Il sait que l'aristocratie des grands seigneurs proches du tsar sont ses ennemis. Mais Raspoutine a un point faible et c'est la vanité. Il est furieux. Lui, qui est le favori du couple impérial, lui de n'avoir jamais été reçu dans la haute aristocratie qu'il considère, disons-le, comme un escroc et comme un être infréquentable. Quand le 20 novembre 1907, le prince Félix Youssoupov vient le consulter pour un mal de dos, Raspoutine se dit que les choses sont peut-être en train de changer. Ils y viennent d'une certaine manière. Il était quand même dans son fort intérieur impressionné par les personnages de la haute aristocratie, écrit Vladimir Fedorovski. Et finalement, il cherchait le contact avec Youssoupov, c'est incontestable. Félix Youssoupov a donc trouvé un moyen d'approcher sa cible. Il décide de l'inviter à rencontrer son épouse Irina quelques jours plus tard. Donc on rentre dans la famille impériale d'une certaine manière le 16 décembre 1916, donc à minuit. Il y a une autre version, celle de Radzinski, qui prétend qu'en fait Raspoutine s'est rendu au palais Youssoupov pour voir Félix, dont il était plus ou moins, pour lequel il avait, disons, un béguin. Allez savoir. Le 16 décembre, vers minuit, une voiture vient chercher Raspoutine qui s'est préparé avec soin. Il s'est parfumé, il porte une belle blouse bleue cette fois. Mais la compagne du prince Youssoupov, Irina, n'est pas là. Oh, comme c'est étrange. Ce sont les conjurés qui, en fait, sont en train d'écouter de la musique à l'étage pour faire croire qu'il y a une fête et que la princesse est retenue par des invités. Raspoutine est conduit dans une pièce à l'entresol. Même quand vous êtes au palais Youssoupov, on vous fait descendre des marches, hein, donc on pourrait presque dire au sous-sol, si vous voulez, où il est censé donc attendre Irina en compagnie de Félix. Et pour le faire attendre, on lui sert du vin de Madère, des gâteaux, des macarons, tout ça, les gâteaux, les macarons, tout ça est bourré de cyanure. Sous l'effet du cyanure, il aurait dû périr immédiatement, dit Jean Descartes. Il s'étrangle un peu, il se racle la gorge, il prend un verre de vin, le vin est empoisonné et ça ne fait pas d'effet. Un léger malaise à peine. Bah oui, c'est une force de la nature, c'est un ours, ce Rasputin. Vous pensez que le cyanure, ça lui fait pas grand-chose en l'occurrence. Et pendant 2 heures, on voit Félix Youssoupov qui ne sait plus quoi faire. Il monte régulièrement à l'étage pour informer ses complices et leur dire ben non, il est toujours de ce monde. Et finalement, excédé, Félix va prendre le revolver du grand-duc Dimitri Pavlovitch et il va tirer. Et cette fois, Rasputin a l'air mort. Seulement, quand Youssoupov ressent le besoin de jeter un coup d'œil sur le cadavre de la victime, alors là, il va avoir la peur de sa vie parce que, une fois de plus, Rasputin renaît d'entre les morts, si je puis dire. Il arrive à se relever, il éructe, il faut imaginer ça, il se s'abat sur les portes et il arrive à s'échapper dans la nuit glaciale. Alors, les conjurés se lancent à sa poursuite, l'arme à la main. Que s'est-il passé vraiment? Qui a utilisé l'arme? Est-ce Youssoupov? Est-ce Dimitri lui-même? Est-ce un des autres conjurés? Voilà ce que nous dit Michel de Grèce. Il y avait dans le palais Youssoupov un agent anglais, parce que comme Rasputin poussait à une paix séparée de la Russie, c'est-à-dire au retrait de la Russie de la guerre, les Anglais n'en voulaient à aucun prix. Ce serait aussi une possibilité qu'il ait été tué par un agent anglais. En définitive, écrit Jean Descartes, il aurait été achevé par un tueur britannique puisqu'on a retrouvé une balle d'une arme anglaise et à l'appui de cette thèse, la première personne réellement informée par des rumeurs, non pas par des rumeurs, mais de l'exécution de Rasputin, est l'ambassadeur britannique. Vous voyez que ça pose une question. Bon, ce qui est certain, et ça, Félix Youssoupov l'a confirmé lui-même, c'est que devant le cadavre, il a été pris d'une rage folle, il a pris une barre de fer, il s'est mis à le frapper avec acharnement. Les conjurés ont donc ligoté le starets, l'ont jeté dans un trou de glace dans la Neva, et quand on retrouvera son corps, permettez-moi de vous rappeler ce détail assez sordide, il aura les bras au-dessus de la tête, alors qu'il a été ligoté les bras le long du corps. Ça veut dire que malgré tout ça, malgré le poison, malgré les balles, malgré la poursuite, les coups terribles, la tête défoncée, il était encore en vie quand il a été jeté dans la Neva. Ça paraît inouï, mais il faut le dire aussi simplement que ça. Rasputin n'est pas mort de coups, il n'est pas mort par les balles, il n'est pas mort empoisonné. Rasputin est mort noyé. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour. Alors avec vous, nous allons revenir sur le cas du prince Félix Youssoupov qui fait partie de ceux que vous avez appelés les aristos du crime. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi, ce sont les aristos du crime qui sont à l'honneur avec vous Franck Ferrand et votre invité Bruno Fulini, écrivain historien. Bruno Fulini qui dirige Folle Histoire, une collection à mi-chemin entre revue et collection d'essais avec 12 auteurs aux éditions Prisma et dont le premier volet, les aristos du crime. Oui, ça a l'air d'un livre, mais c'est bien une revue qui va paraître tous les 3 mois. Bruno Fulini, bonjour, je vous ai dit bonjour déjà tout à l'heure. Et vous allez consacrer à chaque fois le numéro à une thématique. Et là, vous commencez par ces assassins issus du Gotha, issus du grand monde, si je puis dire, avec pas mal d'auteurs qui rédigent donc ces articles sur les différents sujets. Alors, en l'occurrence, sur Félix Youssoupov, c'est David Alliot qui s'y est collé, si je puis dire, et qui nous rappelle que Félix Youssoupov est mort en exil à Paris seulement le 27 septembre 1967. C'est-à-dire à 80 ans. À 80 ans, et qu'il avait publié de passionnants mémoires et longuement évoqué devant de nombreux visiteurs et historiens, nous dit-il, à l'heure du thé, son rôle dans l'assassinat de Rasputin. Entre nous soit dit, c'est toute la question, parce qu'on ne sait pas qui a tué Rasputin à l'heure où nous parlons là aujourd'hui. Ça reste une question mystérieuse. Alors bien sûr, ça a eu lieu, ou du moins l'essentiel de l'action a eu lieu dans le palais Youssoupov, ça c'est une certitude. Ensuite, plusieurs individus ont réclamé même la gloire d'avoir donné le coup de grâce, puisque c'est un assassinat qui s'est fait par étapes, un assassinat progressif. Il y a un texte par exemple fascinant qui est le récit qu'en donne Vladimir Porishkevitch, qui était un député d'extrême droite, je dirais que... Qui dirigeait le complot même en fait. Oui, et qui était déjà en lui-même un personnage de roman plus tsariste que le tsar, dirait-on pour paraphraser une expression française, une sorte d'anarchiste d'extrême droite, qui va revendiquer le fait d'avoir donné le coup de grâce, cette dernière balle, au moment où Poutine blessé s'en va et il lui décrit Félix Ioussoupov qui l'appelle littéralement au secours parce que le mort s'en va, si j'ose dire. Et c'est vrai que cette affaire de Rasputin, cette mort par étapes, a beaucoup ajouté à la dimension mythique du personnage. Évidemment. Parce qu'on l'a tellement comparé de son vivant à un démon, à un diable, que de voir comme... Ou pour certains, à un dieu d'ailleurs, hein, les deux existaient. Oui, un dieu un peu sulfureux, une divinité très païenne ou paillarde. Toujours est-il que cette capacité à échapper à la mort, à quelque chose d'ensorcelant, de mystérieux, qui a beaucoup fait, bien sûr, pour la postérité de Rasputin. Il y a eu une belle biographie de Rasputin par le Alain de Corus, qui s'appelle Radzinski, et qui remet beaucoup de choses en cause hein, sur cette affaire de l'assassinat de Rasputin. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que lui paraît démontrer que ce n'était pas du tout Félix Ioussoupov qui tirait, c'était bien le prince Dimitri lui-même, donc le propre cousin du tsar, et que c'est précisément pour épargner la famille impériale et pour ne pas mouiller dans cette affaire Dimitri, que Ioussoupov aurait pris sur lui de tuer Rasputin et aurait ensuite monté tout son récit qu'il n'a cessé effectivement de raconter, puisque nous connaissons aussi bien vous que moi des personnes qui ont connu le prince Ioussoupov et qui adoraient aller chez lui l'entendre raconter cette nuit terrible de Saint-Pétersbourg. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le mystère demeure. Ce qui est certain en revanche, c'est que personne n'a été condamné dans cette histoire. Imaginez le régime qui plus est en pleine guerre, avait-on envie d'un procès ? Avait-on envie d'un déballage de ce qu'avait été Rasputin, ses liens avec les dames de l'aristocratie russe? C'était vraiment d'abord l'autocratie russe, même si elle s'était très légèrement démocratisée, ne voulait peut-être pas trop s'étaler comme cela. Et puis, dans un contexte de guerre, c'était littéralement impensable. Donc, oui, il y a eu une résidence surveillée pour le coupable auto-désigné qui était Ioussoupov et qui en a tiré d'ailleurs une grande gloire. Nous ne connaissons aujourd'hui le nom d'Ioussoupov que par l'assassinat de Rasputin. Ce qui est certain aussi, c'est que Rasputin, et on en a des preuves imprimées, donc là personne ne peut mettre ça en cause, il avait bien dit qu'il y aurait, si jamais on attentait à sa vie, etc., il y aurait des conséquences graves, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont été très graves. Il meurt, lui, entre le 16 et le 17 décembre 1916, et dès le début de 1917, il y a l'abdication du tsar, et puis après, l'espèce d'engrenage que l'on connaît, qui aboutira en juillet 1918 à l'assassinat de la famille impériale, pour autant qu'on le sache là aussi, mais en tout cas, à la fin de l'empire des tsars. Oui, donc il avait tout vu, si je puis dire, sur Rasputin. De malédiction, c'est comme dans Les Rois Maudits. Ah, c'est ça, mais vraiment. Il meurt, je dirais, l'écume aux lèvres, et la mort de Rasputin semble entraîner celle de la dynastie des Romanov. Alors évidemment, dans votre revue, dans Folle Histoire, vous n'entrez pas dans tous les détails, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous brossez un panorama très complet, immense du crime aristocratique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux ou trois pages consacrées à chacun, parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Oui, beaucoup d'appelés, quelques élus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que à travers ce thème des aristos du crime, nous intéressons à tous les aristocrates, d'abord vrais ou faux, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'aristocrates un peu frelatés, un peu inventés. Et puis, nous sommes sur tous les continents et à toutes les époques. L'idée, c'est de raconter des histoires qui sont vraies, mais qui ont existé, qui correspondent à des anecdotes ou à des pages de la grande histoire. Des bagnards, mais qui portent une particule, des escrocs, alors là on va y venir dans un instant. Vous parlez aussi des assassins, alors vraiment les crimes de sang, on n'en parlera peut-être pas tellement aujourd'hui. Et puis vous parlez du Gotha des assassins, on va y venir dans un instant parce que vous nous présentez un certain nombre de cas, et ça j'allais dire c'est votre génie Bruno Fuligny, vous avez le don d'aller chercher dans l'histoire les figures oubliées, et vous faites renaître des destins, des destinées, des vies, des histoires qu'on avait tout simplement perdues de vue, et on se dit en lisant, ah oui c'est extraordinaire, j'avais oublié, ou tout simplement je ne savais pas, parce que vous nous en apprenez aussi beaucoup, on va y venir dans un instant. un mot peut-être de la forme que prend cette revue. Il y a comment est-ce qu'on pourrait dire, une espèce de patine un peu 1900 comme ça. On est dans un ouvrage belle époque, un peu aussi bien intérieur qu'extérieur d'ailleurs. C'est bien, c'est un bel objet. Dans l'esthétique un petit peu du roman populaire, du petit journal. Pas loin de Gensu, de tout on ça. On est dans cet univers-là. On est aussi dans l'univers graphique d'Arsène Lupin. Et voilà, qu'est-ce qu'Arsène Lupin sinon, d'un certain point de vue, un aristo du crime. Ou disons-le, un gentleman cambrioleur. De la valse sentimentale de Tchaïkovski. Nous écoutions un extrait de la sérénade pour cordes de Tchaïkovski. Toujours Tchaïkovski qui va tellement bien avec un sujet comme celui-ci, évidemment. Alors Bruno Fulini, quittons un peu les rives de la Neva et la Russie sanguillonnante de la fin du règne de Nicolas II pour évoquer d'autres crimes de sang, d'autres escroqueries, enfin des choses incroyables commises par de grands noms d'une certaine manière. Alors, je vous avoue que j'ai été totalement fasciné par le cas de cette princesse Jabirovska, qu'on connaît très peu, pour pas dire pas du tout. Ça ferait un film incroyable. Racontez-nous. Ça se passe sous Louis XIV, en fait. Hein, on est sous Louis XIV, mais en plus, dans une année chargée d'un point de vue criminel, puisque c'est l'année 1676, c'est l'exécution de la Brinvilliers. Et, oui, et c'est peut-être pour cela que nous connaissons mal la Jabirovska, parce que la Brinvilliers lui a ravi la vedette avec son supplice. Simplement, pendant que la Brinvilliers tombe et perd la tête qu'on va jeter au bûcher, eh bien, la Jabirovska, elle, est très active. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans le Paris donc de cette fin de XVIIe siècle, une série de jeunes gens ont disparu. Ils ont tous un petit peu le même profil, ils sont donc jeunes, ils sont beaux, ils sont plutôt bien habillés, plutôt riches, et on en compte au total 26. Ils ont de 17 à 25 ans. Voilà, et on en compte quand même un nombre... 26 à... 26, cela commence à faire beaucoup, à une époque où la police, évidemment, commence à peine à se structurer avec un lieutenant général de police qui est l'Arény. C'est vraiment le tout début de la modernisation de la police voulue par Louis XIV. Et l'Arény se fait remonter, non pas les bretelles qu'on ne porte pas à l'époque, mais ces choses, disons, par le roi, qui trouve que là, ça fait vraiment désordre, d'autant que commencent à circuler, évidemment, toutes sortes de rumeurs. On accuse les sorciers, on accuse les juifs, on accuse tout le monde. Il y a une espèce de psychose, même quand, si le terme est comme totalement anachronique. Quand il y a comme ça des disparitions, forcément, on voit les boucs émissaires réapparaître. Tout à fait. Et donc, l'engueulade descend d'un échelon, c'est-à-dire que le lieutenant général de police s'en prend à un de ses exempts, on pourrait dire un commissaire aujourd'hui, pour faire un anachronisme de plus, un policier de métier qui s'appelle Lecoq. Et Lecoq a une idée extraordinaire que raconte Mathieu Frachon dans Folle Histoire, c'est qu'il va utiliser son propre fils comme appât. Et donc, le fils de Coq, surnommé l'Éveillé, va se promener dans Paris. Un bon père. N'est-ce pas? Mais bon, le père n'est pas très loin, et il y a évidemment toute la clique policière autour, tapis le long des murs, derrière les carrosses, partout où on peut se cacher. Mais le fils de Coq va vivre quelques semaines assez extraordinaires. Il va porter des habits comme il n'en a jamais eu, vraiment extrêmement beaux, l'épée au côté, une bourse bien garnie, il va aller de taverne en taverne, faire vraiment... Facile. Voilà, la proie idéale. Et puis, au bout d'un certain temps, ça finit par marcher, c'est-à-dire qu'il est approché par une sorte de duègne, de chaperon, qui est elle-même liée à une mystérieuse étrangère qui se promène dans Paris. Et on explique à ce jeune homme qu'il a été remarqué par cette étrangère, princesse polonaise, qui veut se marier pendant qu'elle est à Paris pour échapper à l'emprise de son père. Rendez-vous est pris dans la soirée et dans un logis. Alors là, il y a plusieurs versions, mais le piquant de l'affaire, c'est que selon une des versions, ce logis se trouvait sur le quai des Orfèvres, exactement là où se trouve aujourd'hui la police, quoi. Donc c'est tout à fait amusant comme coïncidence. Et le jeune Lecoq, l'éveillé, va dans ce logis et puis le temps passe. Alors le père et les policiers attendent à l'extérieur. On se dit, bon, peut-être est-ce une vraie bonne fortune, ne le dérangeons pas. Et puis ça a l'air quand même louche cette affaire. Il y a deux individus très patibulaires qui sont devant l'entrée. On finit par investir la place et on fait très bien parce que, eh bien, cette princesse Jabirowska, elle s'appelle pas du tout Jabirowska, c'est une Anglaise. Elle a chez elle un grand placard qu'on finit par ouvrir et dans lequel on trouve 26 têtes momifiées sur des plats d'argent. C'est-à-dire que non seulement elle tuait ses amants au départ pour voler leur or, leurs bijoux, leurs vêtements qu'elle revendait, mais aussi elle faisait commerce des corps à une époque où les étudiants en médecine payent très cher pour avoir un corps à disséquer. Et simplement, elle gardait les têtes. En bonne santé, en plus. Tout à fait, jeune. Et elle étouffrait. Et elle gardait simplement les têtes en vue d'une autre exploitation qui relevait plutôt de la taxidermie. Donc, on est absolument horrifié par cette découverte qui, semble-t-il, met fin aux exploits de la princesse, sauf qu'elle va réussir à s'échapper puisque, avant qu'elle soit jugée et condamnée, deux grands noms de l'aristocratie ont décidé de se la jouer au dé et de se la partager. Et évidemment, elle les fait boire, elle profite de leur ivresse pour s'évanouir dans la nature. Donc, ce sera aussi une criminelle impunie que cette princesse extraordinaire. On dit princesse. On est certain de ses origines princières? Ah non, on est certain que c'était une fausse princesse. Oui, mais elle est restée dans l'histoire sous ce nom de princesse Jabirowska. C'était une Anglaise, je crois qu'elle s'appelait Guilford. Oui, c'est ça. Donc en fait, on est dans l'escroquerie pure et simple. Le personnage est totalement une imposture elle-même. Ce qui est très classique, c'est-à-dire que les aristos du crime sont rarement de vrais aristocrates. Vous en montrez quelques-uns. Il y en a, comme le duc de Choiseul-Praslin qui a tué sa femme. Souvent, voilà, ce sont des drames familiaux. Oui. Souvent, ce sont des drames familiaux lorsque vous avez un véritable aristocrate, je dirais de haut lignage, qui se retrouve dans une affaire de sang. Ou alors, ce sont des questions politiques, comme Rasputin et Yusupov. En revanche, lorsqu'on a affaire à des tueurs de bas étage ou à des escrocs, crapule, oui. Ce sont souvent soit de tout petits aristocrates, des aristocrates tombés, soit de faux aristocrates. Pourquoi ? Parce que toutes les apparences nobiliaires, la particule, le blason, l'épée, ça a une vertu, c'est que ça inspire confiance. Et donc, bien sûr, les aigrefins ont bien vite compris tout cela. Et il y a une foule de noms à particules qui ne résistent pas à une analyse très longue dans les registres de la police. Votre ouvrage, il faut le dire, est illustré. Il est non seulement très joliment édité, mais il y a des illustrations, il y a des compositions, en fait, sur certaines planches. On est dans cette atmosphère 1900, et d'ailleurs, j'ai l'impression que cette période du début du XXe siècle a été particulièrement propice en crimes aristocratiques. Oui, parce que on est entre la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, on est dans l'héritage de Milord Larsouille, du prince Rodolphe, de tous ces personnages qui, je dirais, subvertissent l'ordre bourgeois en faisant la jonction. Expliquez en deux mots qui est Milord Larsouille. Milord Larsouille, c'est un personnage mythique du Paris des années 1830-1840. Donc l'idée qui s'est répandue, c'était qu'un aristocrate anglais richissime frayait dans les bas-fonds, dans la population, parmi les pires voyous, et les couvrait d'or et les poussait à commettre toutes sortes de méfaits. Bon, en fait, c'est une confusion entre deux choses. D'une part, il y avait effectivement un riche aristocrate, Lord Seymour, qui vivait à Paris et qui était passionné par la boxe et les courses de chevaux. Donc, évidemment, ça l'amenait à fréquenter un milieu un petit peu interlope, mais lui-même n'était pas du tout un criminel. Et puis, à la même époque, et pour son malheur, il y a eu un personnage des bas-fonds, un certain Labattu, qui a fini par hériter de son son père naturel. Et donc, ce personnage qui appartient vraiment, alors là, à l'univers le plus crapuleux qui soit, se retrouve à la tête d'une fortune tout à fait conséquente, sans comparaison avec celle de Lord Seymour, mais suffisamment pour briller auprès bien de toutes les arsouilles qu'il fréquentait lui-même. Et donc, chaque fois qu'il y a un bal, un carnaval, eu un mauvais coup à faire, eh bien, l'abattu est là, qui distribue des pièces de monnaie, qui pousse ses anciens camarades de débauche à mal faire, et l'abattu était acclamé au cri de « Vive Lord Seymour, vive Milord Larsouille ». Donc la confusion s'est faite au grand désespoir de Lord Seymour, et le personnage de Milord Larsouille est devenu un personnage mythique de l'histoire parisienne, parce qu'en fait c'est l'anti-bourgeois. C'est celui qui fait la liaison directe entre la haute aristocratie tombée avec la Révolution, et puis cette populace très pauvre, très misérable, qui croupit dans les bas-fonds. Et c'est exactement ce que va retrouver Eugène Sue avec le prince Rodolphe. Bien sûr. Alors, on pourrait citer un grand nombre de cas célèbres. Je pense évidemment à Pierre Bonaparte, hein, cousin de l'empereur, qui va quand même tuer le journaliste Victor Noir. Donc ça a été un scandale terrible. Est-ce qu'on peut parler de crime? En tout cas, c'est un crime politique, disons. Alors, c'est un duel. Un duel, oui, c'est voilà, la mort d'un duel mal, qui tourne mal. C'est-à-dire, lui est un prince Bonaparte. Nous sommes en 1870, au tout début de l'année 1870. Il y a eu une polémique entre deux journaux corses, l'un républicain, l'autre bonapartiste. Alors, Pierre Bonaparte veut bien se battre en duel contre Rochefort, d'abord parce qu'il est marquis, hein, et qu'il est le prince des polémistes, donc de prince à prince, on peut s'entendre. Et prince de l'esprit, comme on disait autrefois. Et il voit arriver deux témoins, très jeunes, et il pense que c'est pour un cartel, pour Rochefort. Et en fait, le cartel vient d'un obscur journaliste, Pascal Grousset, très jeune lui aussi. Le prince est furieux, alors là, il y a encore des versions différentes, mais grosso modo, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le prince fait feu dans son hôtel particulier d'Auteuil sur les deux témoins, et tue l'un d'eux, Victor Noir, dont qui la va tombe... devenir une sorte de héros malgré lui. Qui devient le héros des Républicains, le jeune journaliste tué par un soudard. C'est très frustrant parce qu'il y a dans votre revue, dans Folle Histoire, dans ces Aristos du crime, une véritable pépinière. Il y a une mine de récits. Ça nous ferait, nous, des récits pour au moins jusqu'à la fin de l'année. Là, si... J'aimerais qu'on s'attarde à deux cas assez récents et très intéressants. Le marquis Bernardi de Sigoyer. Alors là, on est au moment de l'occupation, disons. Ça, nous sommes dans les années 40. Alors, il s'agit d'un authentique marquis, mais d'une famille d'abord un petit peu périphérique puisqu'il est né à La Réunion. Et d'autre part, il est très tôt orphelin de père. Donc, même s'il a le titre, il n'a pas du tout eu l'éducation d'un jeune aristocrate. Et donc, il se débrouille comme il peut. C'est un type assez dur, assez âpre. Il va ouvrir un café à Paris. Et par ailleurs, il est polyglotte et il va donc faire d'assez bonnes affaires sous l'occupation, évidemment en s'entendant avec l'occupant et avec ses collaborateurs. On a eu un certain nombre. Par ailleurs, c'est un homme qui porte beau, il a du succès auprès des femmes et donc non seulement il n'a pas de mal à se marier, il épouse d'ailleurs la fille d'une femme qu'il avait préalablement séduite. Bon, il préfère la plus jeune, mais il la trompe abondamment, y compris avec sa gouvernante et la femme demande le divorce. Oui, mais le problème, c'est qu'on est en communauté de biens, donc cet argent si durement gagné va être partagé en deux. Alors il essaye de gagner du temps, d'amadouer l'épouse qui s'appelle Jeannine, et finalement, de Guerlas, il lui donne un rendez-vous pour lui verser en espèces le premier volet de sa pension. Et bizarrement, on ne la reverra jamais. On ne la reverra jamais et la mère va tout faire jusqu'à aller se plaindre auprès de la Gestapo française qui va torturer le marquis, essayer de le faire parler. Il ne parlera pas. Et c'est finalement sa maîtresse qui, après la guerre, va révéler, après la découverte d'un certain nombre de pièces à conviction, va révéler ce qui s'est passé. Et bien, il a tout simplement tué sa femme pour ne pas partager son argent. Ah oui. Il l'avait conquise, cette fortune-là. Il n'avait pas l'intention de la laisser partir. C'est un vrai marquis, lui. C'est un vrai marquis, mais avec une mentalité très bourgeoise. Oui, voilà. un faux comte, en revanche, nos auditeurs belges le connaissent forcément, c'est le comte de Ribeaucourt. Là, on est dans des périodes beaucoup plus récentes, beaucoup plus proches de nous. Hein. Alors, il y a bien sûr une famille aristocratique belge, oui, bien sûr, qui est totalement authentique, mais son titre a été usurpé par cette espèce de bonhomme qui s'appelait Nestor. Pirotte, donc un nom tout à fait plébéien. Et Pirotte est un personnage abominable, à la fois mythomane, mais surtout criminel. Il y a 7 cadavres qui jalonnent son chemin. Par exemple, il se faisait passer pour un aristocrate de façon à donner rendez-vous à un antiquaire. L'idée, c'était d'abattre l'antiquaire pour partir avec l'argent qu'il avait amené pour acheter des biens. Donc, c'est un personnage à la fois extrêmement dangereux, mais qui a plusieurs fois réussi à se faire passer pour fou et donc à échapper à des peines de prison, à se fondre dans la nature. Et finalement, son seul titre de gloire, lui qui rêvait de noblesse et de blason, c'est d'avoir été le premier tueur en série repéré en Belgique. Mais évidemment, Marc Dutroux a complètement éclipsé son cas. Évidemment. Alors, on vient de parler de criminels de sang, mais il n'y a pas que ça dans votre ouvrage, bien entendu, puisque on parle aussi de voleurs, on parlait de cambrioleurs tout à l'heure. D'ailleurs, il y a des cas de cambriolage absolument inouïs. Vous nous parlez aussi d'escrocs, parce que évidemment, rien n'est plus pratique qu'un beau titre de noblesse pour s'introduire dans certains milieux et pour monter des escroqueries, pour se cacher derrière, d'une certaine manière. Alors, impressionner les gogos. On n'aura pas le temps de tous les évoquer. Juste, ce qui m'amuse, c'est que vous montrez certains de ces aristos du crime punis et bagnards, d'ailleurs. Là, il y a un chapitre formidable. Il y en a quelques-uns qui sont allés au bagne. Alors, les bagnes métropolitains, en particulier dans les années 1814-1815, c'est le moment où Vidocq fait la chasse aux faux royalistes, comme il l'écrit dans ses mémoires, c'est-à-dire toutes sortes d'aventuriers qui ont réussi à se glisser dans les fourgons de Louis XVIII et qui font croire que s'ils étaient en prison sous la Révolution, c'était pour leurs opinions royalistes ou pour leur titre de noblesse, alors que, je prends l'un d'eux qui était le chevalier de Chambreuil, pas plus chevalier que vous et moi, qui était au départ un faussaire, mais un faussaire génial, qui a réussi non seulement à être anobli en quelque sorte, de fait, par Louis XVIII, mais qui a quand même été nommé directeur des haras nationaux et chef de la police du château, c'est-à-dire la police personnelle du roi. Donc vous imaginez la perplexité de Vidocq découvrant incroyable. Que le policier personnel du roi est quelqu'un qu'il a lui-même croisé au bagne. Et donc il va le renvoyer au bagne. Et ce qui est remarquable, c'est que Chambreuil, et j'ai retrouvé ses écrits, Chambreuil, délaissant ses travaux de faussaire pour des travaux littéraires, avait trouvé le moyen de très bien vivre au bagne. Il envoyait des poèmes, des chansons, des pièces de théâtre manuscrites à toutes les grandes dames qu'il avait brièvement côtoyées dans sa période aristocratique, et elle lui envoyait des secours au bagne de Lorient, où il a vécu un petit peu en pacha. C'est bien de ne pas laisser mourir toutes ces histoires, Bruno Fulini. Comment fait-on pour les trouver, ces histoires extraordinaires? Je me demande chaque jour, mais je crois que... C'est la question qu'on posait beaucoup à Pierre Belmar aussi. Vous savez, quand il occupait ce même micro à cette même heure et racontait des histoires comme ça tout à fait inouïes. Il y a des destinées qui méritent d'être retenues. Vous avez d'ailleurs, alors sur un mode plus, comment dire, plus archivistique, publié, alors c'est un très beau livre, ça c'est un immense album, ce sont les grands dossiers du ministère de l'Intérieur pendant toute la Troisième République et l'Occupation, donc de 1870 à 1945, ça s'appelle Secret d'État, et avec un bandeau qui dit « Complot, menace, scandale, les affaires qui ont fait trembler la République ». Il s'agit de toutes les grandes affaires et de tous les personnages sulfureux des années 1870 à la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, mais vus à travers des archives et en particulier ce qu'on appelait le fonds Panthéon, le Panthéon des suspects en quelque sorte, c'est-à-dire les dossiers qui étaient dans un coffre au ministère de l'Intérieur. Ils sont aujourd'hui aux Archives nationales et donc depuis 2 ans, j'ai ouvert de façon systématique les 238 boîtes noires qui contiennent ces dossiers absolument fascinants, dans lesquels on va croiser aussi bien des grands criminels comme Landru ou Stavisky que tous les subversifs possibles et imaginables. Et par exemple, on a des dossiers très tôt sur Lénine, par exemple, qui est repéré dès 1903, ou sur un jeune anarchiste qui s'appelle Mussolini. Évidemment, c'est bien avant qu'il évolue vers le nationalisme. Avec l'affaire de Forchabrol, vous avez des photos magnifiques. Je précise encore une fois que c'est un grand et très bel album. Hein. C'est un très beau livre publié par l'Iconoclaste, avec bien sûr des histoires plus légères d'escroqueries, de dettes de jeu, de maisons closes. Enfin bref, tous les comment pourrait-on dire, tous les pruries de la société. Ce sont toujours les mêmes ressorts que l'on retrouve dans les dossiers de police, hein, l'argent, l'amour et le goût du pouvoir. Et donc la dimension des mœurs est évidemment assez présente, la police est attentive à ces questions-là. Et puis bien entendu, à côté de ces secrets d'État, cette nouvelle revue, Folle Histoire, dont le premier numéro est consacré aux aristos du crime, des histoires extraordinaires, mais vraies. Décidément, ça me rappelle quelqu'un. Merci beaucoup Bruno Fellini. Dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Laetitia sur les origines de la Toussaint et de la fête des morts. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laetitia. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle souhaite connaître les origines de la Toussaint et de la fête des morts. Alors, il faut bien, voilà, elle a tout à fait raison, Laetitia. Il faut bien distinguer les deux, parce qu'on a tendance à croire que la Toussaint, c'est le jour des morts. Pas du tout, hein. La fête des morts, c'est le lendemain, bien sûr, le 2 novembre. La Toussaint a été fixée pour la... Donc, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints et au passage de tous les martyrs, bien entendu. Mais pas seulement. Cette fête a été fixée à la fin du 8e siècle par le pape Grégoire III, mais c'est Grégoire IV, je lis en même temps que je vous le dis, parce que je l'ignorais ça pour tout vous dire, c'est Grégoire IV qui, aux alentours de 830-835, décide que cette fête va être célébrée dans tous les pays de la chrétienté. Alors, on allumait jusqu'au 19e siècle une bougie sur chaque tombe pour veiller les défunts pendant la veille de la fête des morts le 2 novembre. Ça, cette commémoration-là, elle n'apparaît qu'aux alentours de l'an 1000, semble-t-il, et c'est Odilon, l'abbé de Cluny, qui aurait eu cette idée de consacrer une journée juste après les saints, on consacrerait une journée aux morts et à la mémoire, etc. Et quant aux chrysanthèmes qui sont entrés dans les cimetières, ça, il va falloir attendre le 11 novembre 1919. Et ça, c'est à l'occasion, bien entendu, c'est pour célébrer tous les morts de la Grande Guerre.